En fait, j'ai un verbe enlevé, c'est un mufrad bihi, un verbe enlevé. Et un takdir. Aïe, l'ihra tukallifu 20 riyalan. C'est un mufrad bihi, mais le verbe il n'a pas répété. Vous voyez ? À la base, c'est. الريحه تكلف 20 ريال اكوت 20 ريال mais il te le répète pas, il te dit 20 ريال مباشره directement. Donc là il est vraiment moussoub pour de vrai. Tiens, tu trouves pas d'erreur de nahou dans ce livre, inchallah. Peut-être des erreurs d'imprimerie, mais sinon ils sont là pour t'enseigner à bien parler. Tu vois qu'ils vont arriver, ils vont parler comme les gens dans la rue. 20 aïe, mais nous on avait dit que c'était 20 quand il est marfour, mais là il est pas marfour, il est moussoub. Ah ouais, t'as vu, donc il prend un ya. Donc il dit 20 riyal. Hassan, sirfi riyalat illah. Très très bien. Roule sur la protection d'Allah. Avance ou va ou on y va, tu vois. La chose qu'il veut dire, il roule. Il y a des oreilles. Eh non. Ma foum endas. يقول أولا استمع وردد. يقول أي مطعم تريد. Donc là on a mis une fatha sur le أي. أي c'est dire quoi à la base? نعم. Et derrière lui il s'en vient مضاف إليه. C'est pour ça que مطعم il a une كسرة. À la base le vrai truc c'est تريد أي مطعم. C'est pour ça qu'il fait ça, c'est un mafoul bihi. Et là, ils l'ont mis devant le verbe. Mukaddam. Mais à la base, ils sont arrivés après le verbe. On choisit en fait ce qu'on veut. Non, ça c'est plus littéraire. C'est comme ça que quand c'est une question, quand c'est une question, le ism istifham, le nom de l'interrogatif, il est toujours au début de phrase. Non. Donc quel restaurant veux-tu? ثانياً أي طعام تتناول؟ Quel repas prends-tu؟ ثالثاً أي فاكهة تفضل؟ Quel fruit préfères-tu؟ فضل يفضل c'est préféré. فضل يفضل ça veut dire préféré. فضل كذا je préfère telle chose. أي عصير تشرب؟ Quel jus bois-tu? Asir, c'est du jus. Ay darsin taqra'u. Quel cours lis-tu? Sadisan. Ay darsin taktubu. Quel cours écris-tu? Sabi'an. Ay kitabin turidu. Quel livre veux-tu? طيب ثانيا يقول اجيب كما في النموذج ريبون كوم دون ليكزامبل يدي اي طعام تريد اون بارونتيز يمي طعام تاكل دونك tu dois dire quoi اي طعام تاكل quel nourriture manges-tu quel aliment manges-tu donc vous faites pareil que cette phrase par exemple la première phrase dit كتاب تفضل qu'est-ce que tu vas dire ايوه اي كتاب تفضلوا طيب الجمله الثانيه اون فونسون شويه دي فاسيل دو رابيد ثانيه عندك عسير تشرب ايوه اي عسير تشرب نعم ثالثا اي بلد تزور اي كي بيي فيزيتو رابعا أي تأشيرة تتخرج تستخرج تستخرج نعم كيف فيزا في sortir أي مسافر تقابل كيف voyageur rencontres-tu ou accueilles-tu ثالثا أي مسافر تقابل quel c'est le même c'est le même je crois qu'il en est Ensuite, Salisan, Ajib, Kama fil namouzaj. Je réponds comme non, à l'exemple. Il dit, Sir fi li ayatillah. Donc, roule, voyez, avec la protection d'Allah. Donc, là, il veut vous prendre un verbe à l'impératif, et ensuite, avec le dora qu'eux, ils ont dit. Par exemple, il dit Safir, entre parenthèses, qui veut dire quoi? Voyage. Voyage. Là, c'est le ordre, l'impératif. Donc, Safir fi li ayatillah. Donc, voyage avec la protection d'Allah. Al-Awel Izhab fi ri'ayatillah. Non, Izhab de Zahaba Yadhabou. توجه في توجه في رعاية الله نعم donc dirige-toi avec la protection d'Allah اركب في رعاية الله نعم donc embarque ou monte avec la protection d'Allah غادر في رعاية الله في رعاية الله رعاية عفوا رعاية Radir, ça veut dire quoi déjà ? Quitter. Non. Là, on veut dire partir, quoi. Radir. Radara yuradir, non. Quitter, partir. Radara. De laisser une chose. Radara. Khamis. Irhal. Firiyatiba. En fait, ce qu'il voudrait dire ? Partir. Ici, pendant les manifestations qu'il y avait au Yémen, ils n'ont pas dit ça. Irhal, irhal. Le président, genre, dégage, dégage. Irhal, par. Ils disaient ça. C'était devenu leur slogan. Irhal, irhal. On dit, ou démissionne, ou va-t'en, par quoi en fait, tu vois. Du moins, ceux qui. On parle des contestataires, hein, on parle pas de. Irhal, irhal. C'est bon, tu peux partir. On veut un nouveau président. Ça, bien sûr, c'était dans les mouvards, dans les manifestations. Et les manifs, c'est pas permis en islam. Ça a dit. إسعد في رعاية الله. نعم. كذا موتوا. إهبط في رعاية الله. نعم. descend. là dans l'avion c'est atterrir et toi c'est descend. طيب رابعا استمع وردد. écoute et répète. maintenant il va vous apprendre justement à dire كلف يكلف. pour employer. أولا كم تكلف الرحلة. donc combien coûte la course. تكلف Parce que le sujet c'est rihla, c'est au féminin. Hiya, tukallifu. Thaniyan, kam tukallifu et tafkira. Combien coûte le billet? Thalithan, kam tukallifu al-ghada. Combien coûte le déjeuner? Kam tukallifu al-qahwa. Combien coûte le café? Khamisan, kam tukallifu al-kitab. Combien coûte le livre? On peut dire week-end. Non, tu peux dire week-end. Laisse ton employé justement t'apprendre à employer plusieurs formules différentes pour un même sens. Khamisan Adib Kama fil namouzaj. Donc il dit, répond comme dans l'exemple. Hel ta'alifu wa saken. Connais-tu le dortoir? Il dit Asifun la a'alifuhu. Désolé, je ne le connais pas. Donc là, il ne dit pas. Ah, Sifoun, la alifou seken. Il ne fait pas seken. Il emploie un domir. Donc il dit quoi? Jumal oula? Toi, Dom Endak. Connais-tu l'aéroport? Ah, Sifoun, la alifou. La alifou. Non. Fanyan? Est-ce que tu connais la salle de départ, on va dire? La alif? La alif? Non, la alif. Falifan? Est-ce que tu connais le lieu de réservation? Rabian? هل تعرف مكتب تأكيد الحج؟ est-ce que tu connais la bibliothèque la bibliothèque de la bibliothèque à la base مكتب le bureau de confirmation non on dira l'agence de confirmation de réserve non de confirmation non pour la réservation pour la réservation non bureau de confirmation أسيفون لا أعرف نعرفه. نعم. هل تعرف موقف الحافلة؟ Connais-tu la station de bus? Parce que موقف

أراد يريد محمود a voulu نعم a voulu partir vers la résidence universitaire. Donc en fait Mahmoud a voulu se rendre ou a voulu aller. En tout cas le script dit c'était correct. Alors, ensuite فذهب إلى موقف سيارة سيارة سيارة الأجرة نعم Et il est parti. Là, le fait, on le traduirait par alors. Alors, il est parti dans le stationnement des. Enfin, le parking des taxis. Non. Vers plutôt. Il est parti vers le parking des taxis. Sa'ala Mahmoudoun, c'est quoi Mahmoudoun Sa'iq. Sa'ala Mahmoudoun Sa'iq. هل تعرف سكان الجامعي؟ محمود a demandé au chauffeur est-ce que tu connais la résidence universitaire؟ فأجاب سايكو لا أعرفه. La réponse du chauffeur. Donc le chef a répondu. Le chauffeur a répondu. Mm-hmm. Non, je ne connais pas. طلب محمود من السائق أن يأخذها إلى إدارة. خذه. يأخذه. نعم. أن يأخذه. سو. نعم. خذ. نعم. C'est eux qui ont fait une erreur. C'est une erreur d'imprimerie. Non, une fatha, c'est une damma. أن يأخذه. أن يأخذه. أن يأخذه إلى إدارة الجامعية. Jamiati. Mahmoud a désiré du chauffeur qu'il le prenne non. Vers le direction. Vers la direction. Là, c'est pas direction dans c'est pas direction le lieu où tu vas, c'est la direction là où il y a le directeur. La direction de tel truc, la direction de tel truc, c'est là où il y a le directeur. Ouais. Il est dans les mots de. Ah, c'est direction. Non, c'est direction là où il y a le directeur. Ah, Idarat al-Jami'a, c'est ça. Ah, ouais. Ça a piégé là. Direction. Parce que direction, comment on dirait, il n'y a pas de direction. Direction Ishara. Ça dépend. En fait, par une direction, souvent ils appellent ça Isharat al-Muro, truc de circulation, chose comme ça. En tout cas, là, Idara, c'est direction, comme un moudir, un directeur. Ouais, c'est ce mot-là. Direction universitaire. Allez, voir. Maqiyat al-Jumla. Reste une phrase. ولما وصل محمود دفع الأجرة وشكر سيقا ولما Ça dirait comme ça, c'est drôle. Mm. Il y a plusieurs des lamas, celui-là c'est après que. Et après que Mahmoud est arrivé, il a payé le chauffeur. Le salaire, donc on va dire, il a payé quoi ? La course. L'ujra, c'est le salaire ou la paye, tu vois. Non. Il a payé la course ou le salaire et a remercié le chauffeur. Non, ça. فسنقرأ الأسئلة فهي ستكون لغد إن شاء الله. أولا أجيب عن الأسئلة الآتية. أولا